Vous dites lis-moi loup ou lis-moi love? Bienvenue à Québec Centrique, un projet pilote du cégep Limoilou. Je suis votre animatrice, Maud Simard. Notre but à Québec Centrique, c'est de vous faire découvrir le côté insolite de la ville de Québec et de ses alentours, des légendes, des événements, des lieux, des commerces. Chaque épisode se concentre sur un quartier. Peut-être que ce sera le vôtre. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. On se concentre sur Limoilou, résidence de CKRL et bien entendu de notre cégep, le cégep de Limoilou, Québec. Fait intéressant sur Limoilou, Jacques Cartier établit son campement d'hiver sur les berges de la rivière Saint-Charles en 1535 dans l'actuel quartier qui porte le nom du manoir où l'explorateur a passé les dernières années de sa vie. Donc tout est relié, Limoilou c'est vraiment un des plus vieux quartiers on va dire de la ville de Québec. En studio aujourd'hui avec moi, Alex Desmarais, Émija Daudet et Thomas Mercier. Hells Angels, Hells Angels. If you think you need a better deal, why don't you just take one like the Hells Angels. Seeing all of you here, well I don't know. Fancy seeing all of you here, dressed up in your government gear, paying taxes. Never thought you'd make it to here. Vous êtes à Québec Centrique sur les ondes de CKRL. Alex Desmarais, bonjour. Bonjour. Alex, tu nous as trouvé un événement assez complexe qui a beaucoup d'éléments dedans. C'est pas nécessairement quelque chose d'insolite ou d'excentrique, parce que c'est un terme un peu trop amusant pour la situation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive pas souvent et qui s'étend quand même un peu plus loin que juste Limoilou. Oui. Ça s'est passé un peu partout au Québec, même pas juste à Québec, là, vraiment au Québec, mais il y a eu des choses qui se sont passées à Limoilou, fait que je me suis permis d'étendre ça un petit peu. Je vais vous parler de la guerre des motards. Fait que c'est une guerre qui a eu beaucoup d'impact partout au Québec, là, surtout à Montréal. Il y a eu 160 personnes qui ont perdu la vie et plus, puis il y a eu des innocents même. C'était une guerre entre deux clans de motos qui voulaient les deux le monopole de la vente de stupéfiants au Québec. Oui, donc c'est quand même un gros sujet. Ouais. Tu sais, une guerre de motards, c'est comme n'importe quelle guerre. C'est pas comme dans les films là, où il y a des méchants, des gentils qui se battent. Il y a plein de gens, il y a plein de points de vue qui s'affrontent. Dans le cas vraiment de la guerre des motards, on a quand même comme deux grands camps. Ouais. Qui s'affrontent. C'est les Rock Machine puis les Hells Angels. Ouais, qui c'est quand même. J'ai l'impression qu'on connaît peut-être un peu plus les Hells Angels que c'est américain. On ils sont encore parler. Présents même aujourd'hui à ça, Québec. C'est quand même c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus gros. Ouais. Mais les deux ont quand même des origines. Un peu différent. Ouais. Mais tu sais, c'était comme un peu une guerre à trois plus parce qu'il y avait les deux clans, puis il y avait aussi la police qui essayait d'arrêter le tout. Ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi très longtemps après le début de la guerre. Mais... Ouais, ça a duré assez longtemps c'est quand même. C'est l'intention qui compte. Ça a duré des années 90. Ouais, ça a duré précisément de 94 à 2002. La grosse guerre, là, mais tu sais, ça a commencé avant, ça a commencé vraiment vers 70, les affrontements entre les deux. Quand puis même. C'est pas encore fini, techniquement. Il y a encore des crimes reliés à ça. Fait que... Ouais, c'est quand même... C'était une grosse affaire. Ouais. C'est quoi? Donc, t'as mentionné qu'à l'origine de cet affrontement-là, on a la guerre de stupéfiants, mais il y a quand même aussi des choses plus personnelles qui viennent se lier entre à ça. Autres, entre les leaders des deux... Ouais, c'est ça, exactement. Groupes. Les deux clans. Les deux leaders des clans, ils étaient amis de base. Puis il y a eu une chicane, parce qu'il y en a un des deux qui s'est joint aux Hells Angels, fait que là, l'autre était fâché. Ça l'a on dit une image de vitrine de mère très enfantine, là, mais ça a vraiment créé une grosse guerre, là, mais ça a vraiment parti à cause que il était ami. Puis c'est Maurice Boucher qui s'est joint aux Hells Angels, puis ça l'a... Son ami n'a pas aimé ça, parce que les Hells Angels, ils n'étaient pas très bien perçus. C'était pas vraiment un clan que les gens aimaient. Puis son ami non plus, ils n'aimaient pas. Fait que ça l'a, ça l'a créé une très grosse bisbille. Oh, oui. Les Hells Angels, d'ailleurs, pour les gens qui ne savaient pas nécessairement, qui sont un groupe de motards des États-Unis qui sont montés jusqu'au Canada. Ouais. Et après ça, l'autre camp, c'est vraiment le monsieur qui l'a créé. Ouais. Mais il l'a créé à cause des Hells Angels, en fait, pour les affronter un peu. Les Hells Angels, quand ils sont arrivés au Québec, ils ont recruté les Popeyes, qui était une bande de motards locale. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de recrutés dans cette bande de motos. Okay. Il y a beaucoup d'éléments quand même. Mais une grosse guerre interne comme ça, ça n'arrive pas tant souvent que ça dans une ville ou dans une province. C'est, bon, c'est pas une guerre civile non plus. Non, mais... Puis c'est des guerres de motards, il y en a beaucoup, mais une guerre comme ça, dans la ville de Québec, c'est pas nécessairement quelque chose qui est particulièrement courant. Non, disons, c'est ça. Ça arrive pas vraiment souvent. C'est pour ça que ça a été marquant, là, je pense. Les gens étaient un peu... à Québec, c'est pas une ville pleine de crimes tout le temps, puis là, ça l'a créé des peurs. Parce qu'il y avait quand même beaucoup, il y a eu beaucoup d'innocents qui ont été blessés, qui ont été tués aussi. Il y a quand même, je ne sais pas si tu avais les chiffres exacts, comme le bilan, comme un peu des dégâts, entre guillemets. À la fin de la guerre, il y a eu 80 bombardements, 130 incendies criminels, 20 disparitions, puis plus que 160 personnes qui ont perdu la vie. Oui, donc même si une personne n'était pas directement reliée au monde du crime. Non, c'est ça. Il y a même un petit gars de 11 ans qui a perdu la vie par la bande. Là, c'était comme une auto qui a explosé, puis ça l'a percuté, puis il est décédé. Puis ça c'était la première... c'est le premier décès qui a vraiment marqué le public. Là. Puis les gens étaient comme, « Guys, c'est pas correct ce qui se passe. Là. La police, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent quoi. » Oui, mais la police a quand même fait quelque chose. C'est quand même... Oui, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que ça soit plus efficace, on va dire. Il y a eu beaucoup de tentatives il y avait beaucoup de centres de police qui étaient recrutés pour aider. Il y avait Sherbrooke, il y avait Montréal, il y avait Québec. Puis, il y avait une grande intention d'aider, mais on dirait que les motards étaient immunisés, là, on dirait, à ça. Il y en avait qui se faisaient arrêter, puis c'était beau, on arrêtait vraiment beaucoup. Tant que, les leaders sont encore debout, ben toutes les autres qui sont pas arrêtés, ils vont les suivre. Oui, puis c'est sûr que c'est toujours possible de payer la police pour laisser partir quelqu'un, exact. C'est quand même la corruption. On dit pas que tous les policiers sont corrompus, mais là, non, c'est pas ben ça non, du ben tout. Non, mais ça arrive, mais quand même ça arrive, surtout avec des gros groupes comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais, ça fait peur, c'est vraiment intimidant, puis c'est puis quand même c'était jamais vraiment arrivé. Non, c'est ça, j'imagine qu'ils savaient pas comment gérer ça là, une aussi grosse. Ils s'attendaient pas à ce que ça éclate, c'était quand même arrivé soudainement là. Tu sais, c'était quand même encore une fois, c'était pas insolite, mais c'était hors de l'ordinaire. Voilà. Quand même, on s'attendait pas trop à ce que quelque chose comme ça arrive. Mais la guerre des motards, comme on la connaît, comme la période historique, on va dire, techniquement, ça l'a pris fin en 2002. Ouais. Par contre, quand même, fin 2023, on sent toujours qu'il y a une petite tension dans l'air, entre autres à cause de certaines choses qui se sont passées à Limoilou. Ouais. Ben, tu sais, il y a eu deux meurtres, entre autres. Il y en a eu beaucoup, mais je pense que toutes les choses qui sont passées à Limoilou en 2023, ça s'est surtout passé à cause que les Hells Angels, après la guerre, les Rock Machine ont genre cédé le Québec aux Hells Angels, puis ils ont décidé que ça allait être eux qui allaient gérer le contrôle de stupéfiants. Fait que, tu sais, la guerre, c'est fini parce qu'ils ont donné ça aux Hells Angels, mais eux autres, ils ont continué à faire peur aux gens. Puis, tu sais, il y a d'autres vendeurs de drogue qui sont plus indépendants. Puis eux, ils voulaient pas payer la taxe des Hells Angels parce que les Hells Angels, quand ils ont eu le Québec, ils ont mis une taxe. Ils ont décidé que sur tous les territoires qui leur appartenaient, toutes les gens qui achetaient de la drogue, ben la vente, dans le fond, les profits que les vendeurs faisaient, ils devaient donner 10% aux Hells Angels à chaque fois qu'il y avait une vente de drogue. Puis il y avait des gens qui voulaient pas faire ça parce que c'est leur argent, c'est eux qui la vendent. Fait que ça créait de la violence là, entre les clans. Ouais, c'est certain. Puis il y a quand même... ces deux meurtres qui ont eu lieu à Limoilou. Il y en a eu plusieurs, mais tu sais, il y en a deux qui ont eu lieu. Les enfants sont arrivés vraiment un à côté de l'autre. C'est pour ça que c'est eux qui m'ont marqué parce qu'il y en a un qui est arrivé le 22 août, puis l'autre est arrivé le 23 août. Fait que c'était le lendemain, puis c'était dans le même quartier, c'était à Limoilou. Fait que c'est ça qui était marquant, mais il y en a eu plein d'autres, tu sais, puis il n'y a pas juste eu des meurtres, il y a eu de la violence qui n'a pas toujours fini par un meurtre, il y a eu des tentatives de meurtre, il y a eu plein de choses qui sont passées à Limoilou à cause de la taxe que les gens ne veulent pas payer. Ouais, mais en même temps, ça reste que c'est un commerce illégal, donc c'est sûr que de mettre une taxe là-dessus, non, ça ne sera jamais super bien apprécié par personne. Mais tu sais, pendant plusieurs années, là, les gens ont accepté ça. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que la guerre était récente, puis il y avait peur des Hells Angels, ouais, mais là, tu sais, ouais. Maintenant, ils commencent à être genre, ben. Puis maintenant, il y a quand même des nouveaux groupes un peu plus forts qui remontent. C'est sûr qu'après, quand un groupe prend le contrôle de toute la province, ben c'est sûr qu'on ne veut pas trop se battre contre eux. Mais si après ça, il y a des gens qui viennent en plus, qui ont plus d'influence, de pouvoir, là, c'est plus possible de les attaquer à nouveau. Ouais. Mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose... Il y a beaucoup d'informations. En 10 minutes, on ne peut évidemment pas rentrer dans tous les détails de l'affaire. J'étais allée très profondément dans mes recherches. Ouais, c'est ça. Mais Alex, si les gens... chez eux, par exemple, veulent creuser, où est-ce qu'ils pourraient s'informer? Il y a énormément d'informations sur le journal Le Soleil. Il y avait des anciennes pages de journaux que j'ai retrouvées sur Internet. Si j'ai creusé très, très loin, là. Mais Le Soleil, il y avait des anciennes pages qui ont été... tu sais, vraiment, dans le temps où le journal était en papier, là, puis il y avait des photos de ça qui ont été mises sur Internet. Fait qu'on pouvait vraiment voir, genre, j'ai vraiment pu voir tout ce qui s'est passé à Limoilou et à Québec, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Mais tu sais, même le journal de Montréal, tous ces journaux-là. Puis si tu vas sur le site du journal, puis tu recherches Hells Angels, tu vas avoir genre 700 articles, là, parce qu'il y en a vraiment, il y a encore beaucoup d'activités aujourd'hui, le plus qu'on pense. Même moi, je savais pas, tu sais, j'habite à Limoilou, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Puis maintenant, j'ai regardé ça, puis tu sais, il y a encore vraiment beaucoup d'activités, là. Puis c'est pas ça, si on veut s'informer là-dessus, il y a ça, puis il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Même si les gens qui sont un peu pas des professionnels, là, il y en a beaucoup. Mais juste des gens qui l'ont vécu. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais, moi, j'en ai parlé à mes collègues, puis il y en avait un que son ancien propriétaire, il faisait partie des Hells Angels. Fait que tu sais, je me suis informée un peu partout. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui savent plus qu'on pense. Là. Ouais, puis il y a toujours l'Encyclopédie canadienne aussi, mais sinon, aller directement à la source, dans les journaux, ça fonctionne toujours très bien. Vraiment. Mais merci beaucoup. Alex Desmarais, nous, on se retrouve aussi dans pas si longtemps pour le prochain lieu, évidemment, qu'on va pas divulguer tout de suite. Mais on se retrouve après une courte pause musicale. Les lacets sont pas trop maganés, j'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis t'aimer ma palette. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le truck avec une caisse de poc. J'en vais du chemin de Thomas en direction de l'aréna. On se prend deux grands cafés au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. On sort nos sacs du coffre, on est deux pieds dans ce lot. J'en rentre à l'intérieur, tout droit vers la chambre des joies. Mon chandail est accroché, ça sent l'espoir à plein nez. Je mets mes jambières, j'attache mes jarretières. Je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Je mets devant un choc pour bloquer une poc. C'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me tape les poignets, je rentre dans mon gilet. Je me garoche au d'en. Je suis prêt à mettre mon casque, craquer au bout avant de sauter sa glace. La guine d'Assoise pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. Alors, Thomas Mercier, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu nous arrives avec un reportage à la fois sur le patrimoine de la Ville de Québec et les plaisirs hivernaux. Un deux en un. Oui, effectivement. Donc, je vais parler des fameuses lames de patins qui décorent les rampes et les garde-corps du quartier de Limoilou. J'ai eu la chance d'interviewer Martin Dubois, qui est un consultant en patrimoine. Et il s'y connaissait beaucoup sur le sujet. Donc, on va écouter le reportage maintenant. C'est commencé pendant ou juste après la guerre. Puis je pense qu'au début, il y avait toutes sortes de produits, là. Ils recyclaient, entre autres, des cartouches d'obus, là, qui n'avaient pas été utilisées pendant la guerre, là, qui étaient comme en trop, là. Puis ils faisaient toutes sortes de choses avec ça. Puis c'est plus tard que peut-être à la fin des années 40, début 50, là, qu'ils ont commencé à faire des lames de patins. Puis c'est devenu leur produit vedette, là. Puis ils en ont fait beaucoup, même il y avait des clients à travers le monde, là, c'était pas juste à Québec. Là. Oui, c'était un grand succès, justement. Ça se peut-tu que j'ai cru voir qu'il y avait jusqu'à 17 formats de lames différents? Oui, c'est ça. Au début, ben, c'est ça, il y avait premièrement des patins de femmes, des patins d'hommes qui étaient différentes. Après ça, il y avait plein de types de lames, là. J'imagine selon selon l'utilisation. Là, je ne m'y connais pas beaucoup, là, mais je dirais que ça ressemblait tout un peu, mais j'imagine qu'il doit y avoir des subtilités là, entre chacune. Là. Fait que oui, c'est possible. Donc là, des retailles de lames de patin, il y en a plusieurs à Limoilou, mais il n'y en a pas seulement à Limoilou, c'est bien ça? Non, vraiment pas. C'est sûr que ça a été une période où Limoilou s'est beaucoup développé dans les années 1910-1920, le vieux Limoilou qu'on parle surtout. Là. Puis, c'était la plupart des balcons, puis des galeries, puis des escaliers, c'était tout en bois. T'sais. Puis à un moment donné, avec le temps, il a fallu remplacer ces éléments-là parce que le bois n'est pas éternel. Là. Puis c'est là que les éléments en acier ou en métal sont devenus bien populaires parce que ça demandait moins d'entretien et c'était plus durable. Et ça tombait en plein dans la période où il y avait les retailles de lames de patin qui étaient disponibles là, à la compagnie Saint-Laurent. Donc, ça fait en sorte que les gens qui fabriquaient des ferblantiers puis les gens qui fabriquaient des escaliers puis des garde-corps pour les galeries puis les balcons ont utilisé ça beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on en retrouve une bonne quantité, une bonne concentration à Limoilou, mais il y en a partout dans d'autres quartiers de la ville de Québec, mais même en dehors, moi j'en ai découvert un peu partout là, dans toute la province de Québec, parce que moi je travaille un petit peu, je suis consultant en patrimoine, puis je travaille dans plein de municipalités. Là. J'en ai trouvé à Montmagny, j'en ai trouvé à Baie-Saint-Paul, à Clermont, aussi loin même que la ville de Laval, près de Montréal. Donc, mais c'est sûr que le Tascola, c'est plus des exceptions. Là. Il y en a quelques-uns à quelques endroits. C'est pas une concentration comme on a à Québec où on en a beaucoup plus. Là. OK. Fait que plus on s'éloigne de Québec, moins il y en a, mais c'est vraiment la quartier Limoilou, c'est comme l'endroit qu'on en trouve le plus. OK, parfait. Et on sait justement qu'ils ont été utilisés pour des rampes, pour des garde-corps du quartier, mais est-ce que vous savez s'ils ont été utilisés pour d'autres choses? Oui. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est une croix de chemin. c'est des croix que les catholiques érigeaient sur le bord des routes là pour par ferveur ou pour faire des lieux de prière et tout ça. Puis absolument c'est des croix qui sont en bois, là. Mais j'en ai trouvé à peu près 4 ou 5 au Québec qui étaient en lame de patin. Ça, c'est intéressant. c'est une. Puis il y a aussi plus récemment des artistes qui ont créé des œuvres d'art aussi à partir de ces motifs-là. Justement, dans les Limoilou, il y en a, là. Je pourrais vous les citer. Mais c'est intéressant parce que les artistes ont vu que, justement, les lames de patin, c'était une caractéristique identitaire du secteur Limoilou. Donc, ils se sont dit, on va faire des œuvres d'art un peu avec ces matériaux-là. Donc, il y a quelques œuvres qui ont été faites là, plus récemment. Là, on parle pas des années 50, là. On parle plus des années 2000-2010. OK, bien justement, j'étais pas au courant de ça, fait que c'est super intéressant. Et oui, concernant les œuvres d'art, j'avais entendu parler d'un loup, le grand loup. Oui. Oui, ça se trouve, oui. Ça se trouve au coin de la Canardière, puis de la 3e avenue, puis de la 6e, je sais quoi. En tout cas, c'est l'endroit où la Canardière vient rejoindre la 3e avenue. Il y a une place maintenant, il y a peut-être la place des Moulois, je pense. Puis il y a justement une œuvre d'art qui a été érigée à cet endroit-là. Puis oui, c'est ça. Il y a aussi à la place Vidéotron, la place là, qui est devant le centre Vidéotron, en fait, là, la place, je pense que c'est-tu la place Jean-Béliveau maintenant, parce que je ne sais plus son nom. Il y a une sculpture là, avec comme deux chevreuils, là, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, oui. Bon, mais autour de ça, à la base de ça, il y a aussi il est parti en lame de patin là, que les artistes ont intégré à l'œuvre. OK. C'est intéressant. Puis j'en ai une autre aussi sur la colline parlementaire, sur l'avenue Honoré-Mercier. Il y a des. Ils appellent ça des. Ça s'appelle les vents déferlants, là. L'étude de l'œuvre. Puis ça, il y a une des. Je pense qu'il y a 6 parties à cette œuvre-là, puis il y en a une qui intègre des lames de patin, c'est intéressant. OK, donc, ils ont été utilisés à plusieurs reprises, les lames de patin, pour ça. D'accord, OK, je comprends. Ouais. Mais ici, c'est plus une évocation, en fait, parce que c'est pas c'est pas les vraies retailles de patins. OK, là, un rappel. C'est un rappel, exactement. OK, parfait. Et les lames de patins, justement, est-ce qu'on peut en apercevoir autant qu'avant? Bien, c'est sûr que ça disparaît, hein, parce que les gens, il y en a qui remplacent leur garde-corps ou leur escalier, puis... Ben, des fois, ils sont en mauvais état, ils n'ont pas été peinturés, ils sont rouillés, tout ça, fait qu'ils essaient de les changer. Souvent, j'ai l'impression que les gens sont c'est un peu méconnu, ce type d'ornementation-là, fait que les gens ne savent pas trop que ça a de valeur. Puis, bon, mais oui, ça se raréfie parce que à chaque année, on en perd un peu. Là. Okay. Ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, on en parle plus, là, fait que les gens sont peut-être plus sensibilisés au courant que ça a quand même une certaine valeur. Oui, c'est justement, avant de faire des recherches sur le sujet, j'étais pas au courant. Donc, ouais, bon, voilà, ouais. C'est ça. Fait que plus les gens vont être au courant, plus ça va favoriser la conservation de ces éléments-là. Mais c'est sûr que à cause de la méconnaissance et l'ignorance par rapport à ça, ben, c'est sûr qu'on en perd un petit peu chaque année, malheureusement. OK, parfait. Bon, mais merci beaucoup, M. Dubois, de m'avoir accordé votre temps. Bon, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Parfait, merci. Passez une belle journée. Vous aussi. Au revoir. Alors, c'est vraiment un reportage très intéressant. Ça paraît que c'est un monsieur qui sait de quoi oui, il parle. Oui, il connaît sur la ville de Québec. C'est son travail quand même. Oui, exactement. Mais on s'en parlait et il y a certaines informations qu'il n'a pas mentionnées nécessairement parce oui, il y en a beaucoup à que dire. C'est pas arrivé dans les questions, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment un lien avec la LNH. Oui, donc la sœur du fondateur, Georges Couture, donc elle s'appelait Élise Couture, elle, c'était l'épouse d'un joueur qui, à l'époque, était quand même très prometteur. Donc, c'était Jean Béliveau. Et apparemment qu'il venait souvent à l'usine pour visiter. Donc, il y a des grandes chances qu'il ait fait justement de la promotion pour la St. Lawrence Manufacturing Company. Et apparemment qu'à une certaine époque, la plupart des joueurs de la LNH patinaient sur des lames de la SLM. Donc, quand même, un fait très intéressant. Oui, c'est pas juste des rampes. C'est aussi non, c'est ça, c'est des vrais patins. Ça a vraiment eu beaucoup d'impact à une certaine mm-hmm. époque là, sur le monde entier. Oui, puis en plus, il y avait tellement de sortes différentes de patins. Oui, bien, c'est ça qui ont assuré leur succès. Des pointures différentes. Ouais, donc, c'est ça, ils ont sorti 17 tailles différentes de patins, puis il y avait des tonnes et des tonnes de modèles pour différentes pratiques. Ouais. Là, et c'est aussi eux autres qui ont initié les protège-lames en plastique. Parce qu'avant, ils étaient en bois ou en caoutchouc. Donc, c'est comme ça aussi qu'ils ont connu beaucoup de succès. Mais ils ont changé le monde vraiment, du patin. Vraiment. Ils ont pris l'initiative. Puis c'est surtout qu'à une époque où, mettons, dans une usine, ils faisaient peut-être 2-3 sortes de lames différentes. Ouais. Il y a quand même... Ça a quand même un impact d'inventer comme des c'est nouvelles ça. Ils ont amené la sortes variété. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi eu un problème avec... ben pas un problème, mais je veux dire, la compagnie a eu beaucoup de propriétaires. Oui, ouais, c'était pas très stable, effectivement. Non. Ils ont changé de propriétaire à plusieurs reprises. Là, je pourrais pas dire exactement quel monsieur a acheté à quelle année. Ouais, bon. Mais... C'est sûr que ça doit être sur Internet. C'est ça. Tout est sur Internet, mais ils ont changé de propriétaire plusieurs fois. Ils ont changé même de nom plusieurs fois aussi. T'sais, ils ont passé de la SLM à SLM Canada à SLM International. Puis là, aujourd'hui, ils sont siégés à New York et ils s'appellent The Hockey Company. Donc... Long voyage. Long voyage. Très long exactement. Voyage. Ils ont presque connu la faillite, mais finalement, sauvé la peau des fesses. Ouais. Ils sont allés à New York. C'est ça. Vivre le rêve américain, exactement, j'imagine. Exactement. Qui est d'ailleurs, c'est, je veux dire, le hockey, on va pas se mentir. Oui. On a quoi? On a deux équipes canadiennes. Oui, c'est ça. En tout cas, on en a peut-être plus. Mais je sais pas vraiment, mais on en a pas aussi... énormément. Ouais, OK. Ouais, on me dit qu'il y en a effectivement deux. Ah, bon. Et le reste, c'est beaucoup, c'est comme pas mal juste des équipes américaines. Donc, ouais. C'était peut-être une meilleure idée pour eux de se rendre à New York. Ben, c'est ça. Puis, pour les lames de patin. Grand succès pour eux autres. Il faut savoir qu'ils sont rendus une branche de la compagnie Reebok International, qui est une très grande compagnie aussi. Ouais. Donc, winner pour eux autres. Ouais, ils ont fait leur chemin. Ouais. Leur chemin. Ouais. Ils ont eu un impact sur le monde. Ça, c'est important. Un très gros impact. Apparemment, ils auraient aussi fait des plaques d'immatriculation. Oui, ils ont fait des plaques d'immatriculation pour plusieurs provinces canadiennes, mais ils ont aussi fait plein d'autres choses. Par exemple, des serrures de valises pour l'Amérique du Nord. Donc, quand même assez... ouais, c'est différent. Un hasard, c'est différent, mais tu sais, ils ont fait plein de... C'est du métal, donc c'est pourquoi ils pas. Ils ont été très, très multitâches, mais ils se sont surtout spécialisés dans la fabrication de lames de patin. Mm-hmm. Et aussi, tu me disais que à leur apogée, là, quand ils étaient à la belle époque, ils avaient 600 employés. Ouais, même probablement plus que ça, mais vraiment beaucoup d'employés. Puis ils étaient responsables de la production du trois quarts de lames de patin dans le monde entier. Donc ça, en nombre, là, c'est à peu près 300 millions et demi de lames de patin par année. C'est beaucoup. C'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. C'est un très gros chiffre. Exactement. Ils dominaient le sport nordique. 100%. Oui. 100%. Ben, c'est incroyable. Eh bien, merci Thomas de nous avoir rajouté quelques petites informations là-dessus. Donc, merci pour ton beau reportage. Pour plus d'informations, un article très intéressant sur la St. Lawrence Manufacturing Company, c'est St. Lawrence Manufacturing Company, un des plus importants fabricants de lames de patin au monde, par Guillaume Lizotte. Donc, toute l'information sur l'entièreté. L'histoire est toute là. C'est vraiment intéressant. On a des images de cendriers faites en obus. Oui, merci à Martin Dubois d'ailleurs pour nous avoir fourni la source. Oui, donc merci beaucoup à Guillaume Lizotte d'avoir écrit ça aussi. Et merci à toi d'être venu en studio aujourd'hui. Alors, comme toujours, je suis votre animatrice, Mossimar. Restez sur les ondes de CKRL pour plus de chroniques, de reportages insolites. Sur ma ville, donc j'écoute Québec-centrique, Québec-centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec-centrique, Québec-centrique. Alex Desmarais, bonjour. On se retrouve pour une deuxième chronique dans le même épisode. Cette fois-ci, c'est un peu plus ludique. Mm-hmm. Si je me laisse même faire un mauvais jeu de mots, c'est ludique. Ah oh oui, c'est lui. Alors, c'est ça, le ludique, le Limoilou. Mm-hmm. Le loup de Limoilou. Le loup de Limoilou, oui. Qui est quoi exactement le loup de Limoilou? Ben en fait, c'est devenu un peu une mascotte à Limoilou. C'est devenu un peu un porte-bonheur pour les habitants de Limoilou. Ben en fait, moi, j'habite à Limoilou, je savais même pas que c'était là, que ça existait. Mais apparemment, pour beaucoup de personnes, c'est un petit porte-bonheur. C'est un loup qui exauce ses souhaits. Un loup empaillé, d'ailleurs, juste pour... Exactement. Pour dire exactement, oui. Oui, c'est pas un vrai loup, empaillé, là. C'est vraiment... Non, il se promène pas dans les rues. Non, ouais, c'est ça. Depuis quand même un bout. Il se promène, mais c'est pas par lui-même, en fait. Non, c'est ça, il se promène dans les pensées de Limoilou. D'ailleurs, le loup de Limoilou, il a un passé, quand même. Il a un passé très dur, mon pauvre loup. Dans mes recherches, j'ai pas pu voir il venait d'où exactement. Je sais pas comment il est arrivé dans cette boutique-là, mais il était à la boutique de fourrure Roméo Falardeau sur la 4e avenue. Mais peut-être que, vu que c'est une boutique de fourrure, je me suis dit aussi, mais tu sais, je sais pas, en tout cas, Mais en tout cas, il était à la boutique de fourrure. Exactement. La boutique, elle a ouvert en 1938 et en 1989, elle a déménagé sur la 3e avenue. C'est là que Christian Falardeau est devenu le propriétaire. Et après, en 2014, le 15 janvier 2014, la boutique a pris feu. il y a eu un incendie très ravageur. Oui, c'était quand même un gros incendie. Là. Il y a eu beaucoup de pompiers, d'aide quand même. Oui, oui, c'était un gros feu. Là. Je pense que c'était perte totale là, de l'établissement. Oui, puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a un pompier qui a décidé de sauver le loup. À la dernière seconde, il était sur le bord de se faire avaler par les flammes. Il a été secouru par un pompier qui a décidé que ben, le loup, il devait vivre. Oui, ça valait la peine de vraiment sauver le loup. Fait que après, dans les jours après l'incendie, c'est l'entreprise Sinisco qui ont accueilli le loup, apparemment, pendant quelques jours, avant que Christian Falardeau le prenne dans des locaux pendant un petit moment. Mais je sais que direct après l'incendie, il y a la boutique Article 721 qui a proposé à Christian Falardeau de recueillir l'animal, puis il a dit non. Mais en 2016, ils ont fini par l'avoir. Fait qu'en 2016, le loup a sa maison devant le Article 721, puis les gens, ils passaient devant, puis c'est là qu'il est devenu une petite star, c'est en fait. C'est devenu une icône de Limoilou. Il a quand même passé aussi un peu de temps au bar. C'était le pub Le Trèfle. Le Trèfle, si il est arrivé là après, en fait. Bon. Il est allé à l'article 721, puis les gens ont commencé à passer devant, puis ils faisaient un détour. Genre, je pense que les gens, ils commençaient à rendre ça populaire, puis les gens, quand ils faisaient du tourisme à Québec, ben ils passaient par la 3e avenue juste pour voir le loup. Aller voir le loup empaillé. Il est quand même assez bien empaillé, d'ailleurs, oui. Si on va voir des photos sur Internet. Très mignon, honnêtement. Il est assez bien empaillé. Des fois, il y a des mauvaises taxidermies, mais celle-là, c'est... Oui, c'est ça. Il est pas épeurant, là. Non, c'est ça. Il a passé loup, au là. Feu, mais il est quand même... Il est encore beau. Non, c'est ça. Il a vraiment été bien secouru, là. Ça a bien été. Mais il y avait une petite capsule autour de son cou qu'on pouvait glisser des petits mots dedans. Puis j'ai su qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont mis des petits souhaits, des vœux, oui, qui voulaient se faire réaliser. Dans Apparemment, d'ailleurs, des vœux auraient été exaucés. Ouais, ouais, ouais. Suite exactement. Il y a une sociologue, Sophie Amel Dufour, qui aurait fait un sondage auprès des Limoilois pour voir s'ils connaissaient vraiment le loup, si c'était vraiment une star auprès des habitants de Limoilou. Puis il y en a quelques-uns qui ont répondu qu'ils ont fait un vœu, puis qu'il s'est réalisé. Fait que c'est est-ce que c'est super naturel? Oui, je pense que le loup de Limoilou... Le Limoilou était heureux d'avoir été sauvé. Oui, je pense qu'il était, il était tellement reconnaissant. L'humanité. Il est très reconnaissant. Apparemment, c'est 3 vœux qui ont été exaucés. Ouais. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi les vœux. C'était des choses très réalisables. C'est pas beaucoup, c'était, mais écoute, c'est plus que zéro. C'est peut-être un saint, on pourrait peut-être exactement. Le faire canoniser. Parfois, c'est un ange. Oui, c'est ça exactement. En avril 2016, finalement, il y a eu un projet de reconstruction de la boutique, mais c'était plus... c'était à l'endroit de la boutique, mais finalement, je pense que... reconstruire l'immeuble. Oui, voilà. Finalement, c'était plus les fourrures Roméo Falardeau, c'était rendu des condos. Tout simplement, comme partout. Comme toujours. Ouais, voilà. Très original. Mais au sous-sol, c'était au premier étage, il y avait un pub, le Trèfle, qui a été construit. C'est pour ça que le loup est rendu là. Je pense que c'est simplement parce que c'est l'ancienne adresse des fourrures Roméo Falardeau. Ils l'ont ramené ouais, à la maison. Au bercail. Est-ce qu'il est toujours au pub le Trèfle? Je pense ou que il a oui. Changé? Ouais. Non, mais... il est resté là. Il a trouvé ses bercails, je pense, à la maison. Pour, vous pouvez aller le voir, aller visiter. Oui, aller visiter. Le Limoilou. Est-ce que on a une idée de pourquoi il est devenu aussi important que ça, parce que c'est quand même juste... c'est quand même un loup empaillé, donc c'est sûr que c'est pas... à première vue, c'est pas incroyable, mais est-ce qu'on a peut-être une idée de pourquoi ça pourrait être important comme ça pour les Limoilois? Oui, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé des réponses à 100% sûres, mais tu sais, je pense que vraiment, après le feu, les gens, ils ont décidé que ça allait être un symbole d'appartenance. Les gens ont commencé à penser que le loup, il représentait Limoilou. Parce que il est résilient, il a résisté au feu, il a survécu. Puis les gens ils pensent qu'ils veillent sur Limoilou, en fait. Il y a des habitants qui pour qui le loup est très précieux, je pense, maintenant. Mais j'ai pas... pourquoi? Je sais pas. Les gens ont décidé que... La résilience. Écoute, c'est ça, la résilience, c'est assez. Nous, les Limoilois, on est très résilients. Oui, vous êtes très résilient. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, j'imagine que l'incendie, ça n'avait pas rapport avec ça, mais c'est sûr qu'il y a quand même eu... un peu un passé d'incendie criminel à Limoilou. Ouais. Il y en a quand même beaucoup. Donc, je dis pas aucunement que ça, c'est un incendie criminel, mais j'imagine qu'il y a ce côté-là de peut-être de la résilience, de sauver peut-être. Vos incendies. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment une icône du quartier. Oui, vraiment, vraiment. C'est rendu un porte-bonheur. Il y a des gens qui pensent que c'est un porte-bonheur. C'est pour ça. Je sais pas pourquoi, encore une fois, mais... Mais avec le temps, les légendes... deviennent plus voilà, importantes. Voilà. Des fois, ça fait juste pas de sens. Faut juste y croire, parce que pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Mais c'est quand même quelque chose qui est allé rejoindre les habitants de Limoilou. Bon, peut-être pas toi, parce que tu le connaissais pas avant, ouais. Avant la chronique, mais c'est quand même allé plus loin que ça, comme mais c'est ça, ben oui. Il y a, tu sais, la sociologue que je vous ai parlé tantôt, elle a fait des recherches pour voir s'il était populaire dans d'autres quartiers de la ville. J'ai pas eu les résultats de ce sondage, mais peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Parce que, tu sais, en même temps, le feu, il est arrivé en 2014. Moi, j'avais genre 8 ans. Fait que ouais, ça se peut que je le connaisse pas. C'est là, ça, tu connaissais peut-être moins les affaires. Non, voilà, mais peut-être que les gens, c'est les gens plus âgés, eux, on va dire, qui connaissent le loup. Ouais, des gens peut-être qui ont vu le feu, qui ont... Ouais, des clients fidèles de Roméo Falardeau, peut-être. Oui. Puis c'était quand même un immeuble au complet, donc il y avait peut-être aussi d'autres commerces ou des gens qui habitaient là. Oui. Mais il y a quand même des gens qui visitent la ville de Québec, qui viennent voir le loup. Ouais. Peut-être moins maintenant que c'est rendu au pub, mais quand même... Mais je pense que c'est une belle petite mascotte au pub, le trèfle. J'y suis passée devant, j'ai pas pu rentrer parce que c'était fermé, mais je l'ai vu, puis il était très noble. Oui, il regardait... Il regardait du pub. Mais oui. Il s'amusait. Il veille sur les gens pour pas qu'ils soient trop sous, je crois. Quelque chose comme ça. Il les ramène à la maison ouais. après quand c'est fini. C'est pour ça qu'on l'aime autant. Mm-hmm. Mais quand même, ça montre que l'incendie, il a beaucoup touché les gens, quand même. Mais oui. Si ça peut avoir autant. Ouais, c'est ça. Ils autant impacté. Le loup est devenu autant important, c'est quand même. Parce que je sais aussi que, tu sais, la boutique était de moins en moins populaire. Tu sais, les ventes, ils allaient de moins en moins bien. Puis c'était surtout des clients fidèles qui voulaient leur manteau sur mesure de fourrure. Tu sais, il n'y avait plus beaucoup de clients. Fait que le fait que le feu ait autant un gros impact, puis que le loup était aussi connu, tu sais, c'est pas à cause que les clients, ils étaient tristes de perdre un commerce, je pense, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de clients. Je pense que c'est vraiment genre le loup les a vraiment marqués. Le fait que le loup ait été sauvé à la dernière minute, il trouvait que c'était un bon geste, peut-être. Et le loup aussi, apparemment, était sur la vitrine devant le magasin. Ouais. C'était la première chose qu'on voyait quand on passait à côté. C'est quand même donc, marquant. C'est quand même marquant qu'on voit ça. Oui, c'est comme quand on va au sale, qu'on voit les chevreuils empaillés. Je ne sais ouais. pas si vous êtes déjà allés, là, mais les chevreuils empaillés, on s'en rappelle quand même. Les gens, ils connaissaient. Ils ne savaient même pas c'était quoi la boutique, mais ils savaient qu'il y avait un loup devant. Oui, il y avait un loup. Ça les a marqués. D'ailleurs, le propriétaire de fourrure, Roméo Falardeau, qui, j'imagine... Et Roméo Falardeau, peut-être c'est pas, parce Christian que c'est quand même Falardeau. Assez vieux. Bon, j'imagine son fils ou quelque chose comme ça. Son père, il s'appelait Georges-Gilles. Ah, bon. Ben, je sais pas c'est qui Roméo, mais... Mais le propriétaire de fourrures, des fourrures, c'est, est-ce qu'il a déjà essayé de récupérer le loup ou est-ce que c'est lui qui a fait le don aux boutiques ou... Ben, tu sais, rendu là, c'était Christian Falardeau, le propriétaire, mais je pense qu'il a vraiment laissé au trèfle parce que je pense qu'il voulait qu'il revienne à son adresse originale. Là. Pour ce qui est de genre l'article 721, je sais qu'au début, lui, il l'a gardé dans ses locaux, mais peut-être qu'il était content qu'il y avait des gens qui voulaient vraiment, genre, qui c'était important pour eux. La co-gestionnaire de cet article 721, c'est elle qui a proposé de le garder dans ses locaux. Fait que je pense que ça l'a peut-être touché de savoir que la communauté voulait le recueillir et l'aider et le sauver. Je parle de lui comme si c'était un vrai loup en vie, mais bref. Il est dans mon cœur. Mais exactement. Cas, il est vivant dans mon cœur. Exactement. Et bien, merci beaucoup. Alex Desmarais, on se revoit bientôt dans un épisode dont on ne donne pas le sujet, évidemment. C'est vraiment important. On garde ça secret. On garde ça secret. Comme toujours, vous êtes à Québec Centrique sur les ondes de CKRL. Comme on dit, les vrais amis, c'est rare. Au moins, j'aurai toujours ma guitare. Qui tu crois? Quelle imposture, quelle imposture, quelle imposture. Émilia Daudet, Bonjour! Allô, Mour! Toi, tu vas nous donner faim aujourd'hui avec ta chronique slash reportage. On a des petites entrevues. Exactement. Ben, je suis allée visiter Soup ici sur la 3e avenue. Je sais pas si tu sais c'est quoi un peu. Ok, oui. Je suis une grande fan de soupe. Ouais. Donc, ils vendent plusieurs soupes. On peut le savoir par le nom. Ils vendent aussi des tartares, là, puis des wraps et des soupes en dessert, mais ils sont connus pour leur soupe. Puis j'ai parlé, en fait, au copropriétaire François Bouchard, un peu plus, pour en savoir plus, un peu plus sur son restaurant. Comment il est arrivé avec l'idée d'ouvrir un restaurant qui sert principalement des soupes, qui est un mets facile. C'est quand même niché aussi, là, de servir principalement, c'est sûr, principalement des soupes. Le commerce, d'ailleurs, est ouvert quand? En 2008, donc il y a 16 ans. Ça fait quand même. Oui, mais il a dû fermer en 2020, en fait. Ils ont eu un incendie qui a ravagé leur beaucoup leur d'incendies. Restaurant. Exactement. Beaucoup d'incendies à Limoilou. Ben, au départ, il avait été jugé peut-être comme un incendie criminel. Finalement, ce n'était pas le cas. C'était vraiment très accidentel. Là, ils se sont réveillés le lendemain matin, puis François m'a dit qu'il avait reçu un appel de son fils qui travaillait. Puis le restaurant était en feu. Ben, il était plus en feu techniquement, mais il avait été en feu. Le feu était fini, mais maintenant il n'y avait plus vraiment de commerce. D'ailleurs, ça a brûlé avant, pendant la COVID? C'était durant le deuxième confinement, donc en octobre 2020, le 1er octobre plus précisément, à 4h11 du matin. Donc c'est ça, il l'a su le matin même, là, donc genre 3 heures après environ. Mais il avait été jugé louche à ce qu'il me dit parce que c'était comme 2 jours après les fermetures des restaurants. Ouais. De la deuxième, du deuxième quand confinement. Même, ben le premier confinement a été vraiment difficile pour les restaurants. Le deuxième, c'est sûr que ça l'a pas aidé. En fait, c'est soupçonné que c'est eux qui auraient mis le feu. Ouais, ben les assurances, c'est ça qu'ils espéraient, c'est sûr, parce que c'était un peu louche 2 jours après. Finalement, là, vraiment, c'était pas eux, là, puis ils ont pu ouvrir après une petite bataille avec les assurances. Ouais. 2 ans après. Vraiment, ils ont réouvert en 2022. Ce qui les a aidés là, à ce qu'ils me disent, c'est qu'ils vendent des soupes congées dans les épiceries. Puis ça les a aidés à payer. Puis aussi, ils ont sorti de l'argent de leur petite épargne. Mais justement, tu lui as demandé au copropriétaire pourquoi servir presque juste des soupes. Ouais, donc, parce qu'il y a quand même une philosophie derrière ça. Ouais, donc voici ce qu'il m'a répondu. Je me suis rendu compte que la soupe, c'est une belle façon de faire passer des vitamines, tu sais, des légumes, le collagène, tu sais, fait que, puis, la soupe, ça, c'est de la nourriture pour l'âme, et c'est des émotions, puis, fait que, là, on a rassemblé des choses qu'on aimait manger, puis faire, puis on a créé un restaurant, puis le but, c'était soit aussi chaleureux qu'une soupe peut l'être à la personne qui la mange, puis sans se transformer, puis en étant différent des autres. Puis c'est ça. Fait que, avec c'est aussi la soupe, c'est prendre quelque chose de mort, puis faire un aliment, faire quelque chose avec. T'sais. Fait qu'on prend la carcasse d'un animal, puis on la valorise en faisant une soupe. Puis qu'est-ce qui vient manger la soupe? Ben, c'est la famille, c'est les enfants, c'est... Fait que, on est allé dans ces valeurs-là. Puis, ça a fonctionné parce qu'on était différents des autres. Mais il y a eu plein d'aventures, là. Ici, en étant justement à Limoilou, il fallait faire plein d'affaires, là, tu sais. Limoilou, c'est pas la place que les gens aiment manger des soupes, tu sais. Mais les gens sont ouverts, puis... ce que ça a fait, c'est que ça a emmené des gens d'ailleurs à Limoilou. Puis après ça, ben, il y a eu des gens qui ont voulu acheter des condos dans le coin parce que là, il y avait une couple de restaurants qui s'en venaient, puis des bonnes épiceries. On a valorisé le quartier, puis c'est ça. Là, on a eu plein d'idées après ça pour faire grossir l'affaire. Fait que l'idée, c'est avec un besoin qu'on avait, on l'a créé, puis c'est ça. Il y a quand même la philosophie de faire des repas simples. Des soupes, c'est ça. Il voulait un mets simple qui était différent du fast-food, en fait. Donc, mais qui a le même prix. Ouais, c'est ça, qui est pas cher, qui est rapide, mais qui est meilleur un peu pour la santé. Puis pourquoi pas prendre une bonne soupe? Ben c'est ça. C'est tellement bon des soupes. Ça réchauffe le cœur. Leur ambiance en plus là, est très, très, très. Tu rentres là, puis t'as le goût de t'asseoir, puis de manger ta petite soupe, t'es au chaud. Une bonne soupe. Ouais. Ils font pas juste des soupes quand même, il y a quelques autres choses. Puis on joue un peu avec l'idée d'une soupe et des choses comme ça, mais ils ont quand même d'autres. Ils ont des tartares aussi, des wraps. En fait, François, il me dit qu'il voulait mettre un peu plus. Tu sais, avant qu'ils commencent de mettre les tartares sur leur premier menu, c'était vraiment un repas prisé. Tu sais, c'est dans les restaurants un peu plus 5 étoiles que tu mangeais ça. Donc, il voulait un peu rendre ça plus populaire, plus. C'est comme accessible. Ouais, c'est ça. Maintenant que tout le monde en fait à la maison, là, moi j'en fais des fois à la maison d'en manger. Donc, c'est plus accessible vu que c'est des ingrédients très simples. Et c'est quelque chose de simple à faire. Puis lui, je pense qu'il en faisait, c'était qu'il en faisait chez lui. Ouais, sa femme en faisait. Après ça, il le ramenait au travail pour vendre le reste. Donc, c'est très. On recycle. Exactement. C'est une très bonne idée. Même que la création, quand même, de soupe et compagnie, de leur frigo, la vente de leur soupe, ça a quand même eu un impact sur les restaurants autour. Ouais, donc c'est ça. Le propriétaire, il a vraiment eu une idée de sortir avec une idée de mettre un frigo à l'extérieur qui offrait des repas pour les sans-abri. Mais je vais vous permettre d'en entendre plus avec cet extrait-là. Pour faire parler toujours, en étant de bonne action, tiens. Comme il y a eu le frigidaire rose en avant, j'ai été le premier à faire ça. Le soupe d'onde. Ah oui? T'as pas vu ça? Non, je vais sortir à l'extérieur. Non, mais et puis là, il est plus là, parce que j'ai des problèmes avec ça. Mais moi, j'ai fait la première page du journal du Québec. Cette nouvelle-là a passé à grandeur du pays. Puis nous autres, on avait mis un frigidaire dehors, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'itinérants qui étaient en avant. Oui. Qui ramassaient des bottes de cigarettes à terre, qui fouillaient les poubelles pour manger. Fait que là, j'ai dit aux gens, parce que mes soupes sont grandes, j'ai dit aux gens, si vous ne finissez pas votre soupe, vous la mettez dans un bol, puis l'installez dans le frigidaire dehors. Fait que, au début, les gens, le frigidaire se vidait, mais que la nuit. Parce que les gens étaient gênés de venir. Après ça, ce que ça a fait, ça, c'est que ça a comme dégainé le monde. Puis le monde sont venus plus le jour. Après ça, j'ai des clients qui ont acheté des soupes entières pour mettre là. Puis après ça, j'ai des gens qui ont décidé de cuisiner pour garnir le frigidaire. OK. Mais à travers tout ça, j'ai eu deux fois qu'il y a eu des malfaiteurs qui ont pris le compresseur pour aller vendre le métal. OK, ouais. Après ça, il y avait plein de monde qui ramassait tout ce que le monde faisait, mettait ça dans une boîte qui allait le vendre ailleurs. Après ça... Tu sais, c'était pas le fun, ça attirait... Les gens se respectent pas, tu sais, je voulais aider mon prochain, mais on a arrêté ça. Ouais, ben ça a marché pour un bout de temps, puis c'est bien. Ouais, ça a marché, puis ça a donné le goût aussi de le faire à d'autres mondes. Il y a beaucoup de monde qui ont pris ça, puis qui se mettent des frigidaires, là, c'est bien. Donc, c'est ça, il y a eu... un gros impact sur Limolo parce que d'autres restaurants après ils ont eu cette idée-là de, tu sais, quand ça l'a arrêté, quand il a dû enlever son frigo puis arrêter cette idée-là, les restaurants ils l'ont aussi parti à côté, là, les restaurants de Limolo. Ouais, puis c'est quand même, c'est toujours bien quand un commerce a les moyens de donner de la nourriture comme ça. C'est quand même une très bonne chose. Donc, c'est une bonne chose qu'il y a eu cet impact-là sur... Oui, puis quand la population s'implique, là, c'est sûr que ça l'aide. Puis ça l'aide les personnes qui en ont besoin. Oui, là. C'est ça. Puis quand même, il y a quelque chose... Parce que le fait de vendre beaucoup des soupes, c'est bon, c'est excentrique, c'est insolite. Mais il y a quelque chose de peut-être plus insolite qu'on y pense pas nécessairement, mais qu'on voit bien en arrivant, c'est les brassières à l'extérieur. Oui, donc c'est ça, c'est sur la terrasse durant l'été. Là, en ce moment, il est enlevé. Là, moi, j'ai fait un peu ça quand j'étais allée avec la pluie, la neige. Oui, donc ce qu'il me disait, c'est qu'au départ, il cherchait quelque chose pour cacher les gens. Parce que sur une terrasse, tu sais, d'habitude, tu mets des parasols, des affaires de même. Mais avec le vent, c'était trop. Donc, il y a eu l'idée avec une de ses employées que sa mère, elle avait un cancer du sein, de donner de l'argent à cette cause-là. Et aussi, vu que sa clientèle est vraiment comme 90 % féminine, le 10 % étant genre des hommes qui viennent avec leur blonde, tu sais. Peut-être comme un 0.5 qui viennent vraiment pour la soupe. Ouais, c'est ça, le 0.5 qui aime la soupe, là. Mais il y a eu l'idée pour un peu, en support à cette cause-là, de mettre les brassards. Puis c'était un bon moyen aussi pour cacher les gens du soleil, en fait. C'est comme un deux en un, ça permet de... Exactement. D'avoir un peu de... D'intimité. Mais d'intimité. Ouais, puis c'est ça, en fait, ils donnaient de l'argent à la cause. Puis même si l'employé est parti, puis elle travaille plus là, ils ont continué à faire ça parce que ça a tellement été populaire, les personnes trouvaient ça tellement excentrique, un peu plus ludique. Ouais, ils prenaient des photos, ça a été populaire partout dans le monde. Les touristes s'arrêtaient. Ça donne envie de rentrer dans le magasin ou dans le restaurant. C'est ça. Ils voient les personnes arrêtées à l'extérieur, ils prennent une petite photo de la terrasse. C'est pas tous les jours. Ça fait sa personnalité. Exactement. Oui, c'est ça, c'est coloré en plus. Là. C'est tout beau. C'est ça, c'est pas tous les jours que tu vois des brassières sur une terrasse. Mais où est-ce qu'il les a trouvés, d'ailleurs, ces brassières-là? J'ai pas demandé, honnêtement. Mais je crois, tu sais, je me dis dans les friperies, les affaires comme ça. Oui, peut-être des donations. Peut-être qu'avec le temps, il y a eu des donations de gens qui... peut-être des banques pour... parce que si c'était pour le cancer du sein, peut-être qu'il y a des donations qui ont été faites avec le temps. Des choses comme ça. Ça a été quoi? Parce que quand même, le feu... Tu sais, maintenant, ils vont super bien. Mais entre le feu puis aujourd'hui, ça a été difficile. Mais ça a été quoi comme leur processus pour revenir, pour repartir un peu de zéro leur clientèle, leur restaurant? Mais c'est ça, ça a été un très long processus, là, surtout durant la COVID, que le revenu était tellement plus bas parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir dans la salle à manger ou ils pouvaient accueillir en très petit nombre. Quand c'est arrivé, tout était fermé. Donc, ils se sont vraiment basés sur le fait que leur soupe congelée était dans les épiceries. Puis un peu plus autre affaire. Une dernière question pour toi, Amy Jade. Oui. C'est qu'il y a comme une stratégie derrière les sortes de soupes que les gens prennent. Il y a une idée derrière. C'est pas juste une soupe, il y a quelque chose avec ça. Ben ça, c'est ça. Je suis allée du côté un petit peu classique, là. C'est quoi ta soupe préférée? J'ai posé comme question. Puis, selon lui, ça dépend vraiment de comment tu te sens, de l'émotion. Tu sais, ils ont une soupe de base, la vietnamienne. Exactement. Tu sais, c'est comme un bouillon plus simple. Si tu prends celle-là, tu vas revenir pour celle-là tous les jours. Si tu prends, par contre, une autre soupe comme l'indienne, ça, tu vas venir une fois par semaine parce qu'elle a plus de saveur. Puis souvent, les personnes vont aller vers la soupe la plus populaire puis vont juste revenir pour celle-là. Donc, selon lui, toutes les soupes sont bonnes. C'est sûr que c'est son commerce, il va tout aimer les soupes. Mais selon lui, c'est mieux d'essayer toutes les soupes puis après, tu peux changer selon comment tu te sens dans la journée. Ben, c'est une super bonne idée. On recommande de faire ça. Ouais. D'ailleurs, Soupe et compagnie vendent leur soupe en supermarché. 25 points de vente. Donc, vous pouvez toujours acheter ça. Mais si merci beaucoup, Amy Jade Audet. On se retrouve très bientôt. Exactement. Très bientôt. Vous êtes sur les ondes de CKRL à l'émission Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique. Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique. Québec Centrique. C'était Québec Centrique à CKRL. Je suis votre animatrice, Mo Simard. Aujourd'hui avec moi, Alex Desmarais, Amy Jade Audet et Thomas Mercier. Prochain épisode, on part pas trop loin, c'est le quartier des belles lumières, de la nostalgie et de l'hôtel le plus photographié au monde. En attendant de nous entendre à nouveau, découvrez votre quartier et ce qu'il a à offrir d'excentrique.